RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 22h. Scream qui sera rejoint d'ici quelques minutes par Sylval. Et bien entendu, on aura les vieilles rubriques comme d'habitude. Hein, maintenant, on a l'habitude pour la Sylval Song, la Slasher Song, même s'il est en vacances, il nous a laissé sa Slasher Song. Et voilà, bien entendu, beaucoup de nouveautés, car même pendant cet été, on est quand même assez gâté. Question nouveauté qui nous tombe comme ça sur le coin de la figure, mais de bonnes nouveautés et aussi des exclusivités, pardon. Voilà, donc tout ça, bien entendu, au programme jusque 22h sur RQC 95 FM. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. D'abord, bon, je vous rappelle plus maintenant, c'est Heat avec Downtown, et ça de l'album Live in London, c'est notre indicatif. Et on va commencer tout de suite avec le new Alter Bridge, et on va s'écouter le single promo qu'on nous a envoyé qui s'appelle Show Me a Leader, donc de Alter Bridge, qui est vraiment vraiment super bien foutu. On se retrouve tout de suite après. Allez, là c'est parti, on envoie la purée avec Alter Bridge, donc Show Me a Leader. Whoa! Compromise! Et ben si l'album est dans le même acabit, ben franchement c'est une super claque. Alter Bridge avec Show Me Later. Voilà, on attend l'album avec impatience. La cover du single est mise sur la page Rive d'Enfer sur le Facebook. Voilà, donc on attend avec impatience cet album. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Ancelotti. L'album s'appelle Strike Back. Là aussi, la pochette est mise. Donc, si vous voulez découvrir les covers des albums qu'on vous passe, ben, il suffit d'aller voir sur la page Facebook, hein, Rive d'Enfer, et vous les verrez. Là, on va s'écouter Immortal Idol, donc de Ancelotti. Ça déménage très très bien aussi. Voilà, je vous l'avais dit, ça déboîte bon, bien. Ça déboîte bien depuis le début de l'émission. On a un Ancelotti avec Immortal Idol, extrait d'album Strike By. Alors, bonsoir, Sylval. Bonsoir, Monsieur Scream, et bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Voilà, elle arrive tout en sueur. Ouais, tout en sueur, là. Elle a taffé, la pauvre. Il y en a qui sont en vacances, il y en a d'autres qui taffent. Que voulez-vous? Alors, quelles sont les nouvelles? Eh bien, on va se préparer tout doucement pour dimanche. Oui. Dimanche est le grand jour. Le grand jour. Un petit festival à la taille humaine. Oui. Et voilà, on va retrouver des potes, notamment on va retrouver notre amie Sofiane de la RTB qui sera là. Oui, je serais très contente de faire sa connaissance. Ah oui, toi tu vas faire sa connaissance. Je ne le connais pas. On sera avec Rico aussi, parce que Rico, il va sa soirée métal. Hein. Et bien, plein d'autres, des amis. On va voir aussi des bons concerts, parce qu'il y aura quand même, on rappelle, Inglorious. Oui. Steel Panther. Mm-hmm. Suicide on Time DC, j'ai écouté un extrait du dernier album. Il y aura Slayer, fatalement. Steel Panther. Vive les boobs. Vive les boobs. Préparez vos appareils photo, les amis. On en oublie un. Parquet Drive. Et encore un autre, Doom Day, un truc comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est quelques groupes et franchement, ça va être une bonne ambiance. On espère, on va croiser les doigts parce que le temps il change. Les annonces, un très beau week-end. J'espère, je croise les doigts, les doigts de pied aussi. Voilà. On retrouvera ta Sylvain 5, j'ai annoncé, oui. je découvrirai, je vois une pochette d'album, mais j'arrive que pas comme connais, ça. Que je connais sûrement. Oui, tout à fait. Je crois que je dois connaître. Bien sûr. Voilà. En attendant, il y aura bien entendu la Slasher Song, une petite découverte qui risque de te faire plaisir. D'accord, sans doute pas. Une découverte pour certains et pour d'autres, des créateurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Allez, en attendant, on va s'écouter Vendetta. C'est pas la bande originale du film V pour Vendetta, mais Vendetta, c'est pas mal. On va s'écouter Halo in Black, extrait d'un best-of qui vient de sortir, qui s'appelle Anthology, All Your Setting. Mais on va s'écouter ça, puis après on arrivera à la Slasher Song, même s'il n'est pas là, s'il se fait bronzer sur la côte du Nord. Oui, lui aussi, il est à Los Angeles. Los Angeles du Nord. Voilà. Bravo. Les petits canaris. Ici, c'est amusant. J'ai encore oublié de couper mon portable. Moi aussi, je l'ai pas coupé. Voilà. Allez, Vendetta, c'est pas mal. Bien entendu, je vous dis, là aussi, vous retrouverez la cover sur la page Riff d'Enfer. From the insidious cancer of celebrity. Hello in Black. Voilà, il le dit souvent. Ouais. Hein. C'est Vendetta, c'est bien. Hein. C'est bien. C'est extrait d'un best-of. Double best-of. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc c'est bien. Alors, on rappelle, il y a quand même. On remercie Rico parce qu'on n'avait pas. Il y a Red Flang, voilà. Red Flang et bien entendu Limp Bizkit. Oui, bah, on n'a pas tout retenu. On n'a pas tout retenu, bah, c'est. Oups, mais bon, ouais. C'est parce que c'est Limp Bizkit, quoi. Voilà. et Inglourious, bah, comme Rico dit, c'est un peu entre du Deep Purple et. Du Bad Company, voilà. Donc, ça nous fera plaisir. Alors, le prochain, bah. Là, c'est la slasher song, même s'il n'est pas là, il nous met toujours sa slasher, il dit, il faut pas oublier ci, ça, ça. Mm-hmm. Et par chance pour lui, on a reçu un groupe qui est un des fondateurs, il ne sait pas le fondateur, mais un qui a participé au métal industriel. C'est un groupe qui date de 1984, il faut savoir quand même, 1984. Ça fait une belle date. Oui, ouais. Et juste pour... Rammstein est arrivé 10 ans après. Ouais. Donc voilà. Et moi, ce que j'interpelle les gens, c'est écoutez bien le riff du fond, de la musique, et vous allez voir qui a pompé ça, vous allez voir. Le groupe s'appelle KMFDM, c'est un groupe allemand, mais ils chantent des fois en anglais, des fois en allemand. Ils ont même pris une chanteuse, ils se sont arrêtés de 1999 à 2002, puis ils se sont reformés. Ils ont fait plein de BO de films, et aussi, ils reviennent sur le devant de la scène. Bon, ils sont un peu moins connus, pourquoi ? Parce qu'il y a les spectacles qui ne sont pas là, là derrière, je veux dire, pyrotechnique, des choses comme ça, mais musicalement, ça envoie du lourd. Donc, si on a le temps, on essaiera de passer peut-être une deuxième chanson tout à l'heure, mais là, on va s'écouter donc la slasher song, mm-hmm. Et il a choisi Kunst. Kunst, c'est franchement, ça déboîte très très très bien, c'est la slasher song, et encore une fois, ben... Il nous est des pâtes, oui, mais des. Je peux des pas bandons. Dire la pub. On peut pas dire la pub. On peut pas dire la pub. Allez, on va s'écouter. Ça, c'est Slasher Song. Alors, c'est le Slasher. Sur RQC 95 FM. Sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Je crois que le slasher a fait des heureux ce soir. Ouais, ouais, si, c'est vrai. Ça bouge bien. Je vois que Rico aussi réagit. Toi, tu réagis aussi. Voilà, donc Rico vient de rajouter que c'est des potes à un ministry, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Et à mon avis, dans cette petite communauté, on pourrait même rajouter des potes à Rammstein, ouais, à des membres à Rammstein et tout ça. Donc voilà, c'était KMFDM, Kunst. Voilà. Voilà. C'était sa slasher song. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Exactement. Allez, on va s'écouter encore une nouveauté. Bah, je vous ai dit, il y a beaucoup de nouveautés, hein, même si ça paraît les vacances, nous, on ne chôme pas. Et les maisons de disques, même, il y a des groupes qui sortent des choses. Des fois, c'est par choix. Dire pour ne pas tomber dans les bacs fin d'année, ouais, où ils sont mélangés avec tous les cadeaux de Noël. Mm-hmm. Donc, ils choisissent des temps morts. Voilà, et là, on va s'écouter A Sing Man. L'album s'appelle Closing the Cycle. Et on va s'écouter le titre éponyme de l'album, donc Closing the Cycle, donc de A Sing Man. Je peux classer ça un peu entre du prog assez agressif, mais bien foutu, bien ficelé. J'aime bien, moi je kiffe en tout cas. Voilà, j'espère que vous allez kiffer aussi. I am walking. ça fait du bien d'avoir quand même des petites découvertes comme ça. On appelle ça le menu découverte ici dans Rive d'Enfer. C'est Async Man, Closing the Circle, l'extrait de l'album. Pareil, pochette, cover, vous trouverez sur la page Facebook. Rive d'Enfer. Bien, voilà, sur Rive d'Enfer. Voilà, juste avant de retrouver ta Tacit Valsogne, on va s'écouter Guns is Guns. On remercie Charles de Immedia pour nous avoir envoyé ce titre et on va s'écouter One Divided, donc Gone is Gone, c'est tout de suite et après on retrouvera donc ta Sylvalson, voilà. Voilà, donc c'est One Divided, Gone is Gone. Voilà, c'est encore une petite nouveauté de chez Immedia. Voilà. Une petite nouveauté, ça permet d'être connu. Voilà. Alors, nous arrivons à ta Sylvalsogne, Song. Et c'est quoi ? Alors moi, j'ai pris mon petit choix, Judas Priest. Ah. Ça va faire plaisir à notre ami Cédric, s'il nous écoute. Forevermore. Par contre, comme je te disais hors antenne, je ne suis plus sûr si c'est le bon titre que j'aime bien, mais bon, ils sont tous bien de toute façon. Mm-hmm. Donc j'ai choisi, bon, je bafouille moi ce soir. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. Ouais. March of the Damned. Voilà, c'est extrait de, je crois, du dernier album de studio. Album, hein. Ouais, studio, parce qu'après il a sorti un album live de cette tournée là justement. Ouais, et l'album live il est très très bon. Ouais. À voir sur scène aussi. Aussi très bon show. Par contre, on voit bien qu'il prend aussi de la bouteille. Il se promène avec une canne maintenant. Ah ouais, mais... Puis il est malade, hein, n'oublions pas. Hein. Et tu sais que... J'ai appris ça, bah, encore une fois, c'est, des fois c'est notre petit slasher qui me rapporte des choses. Ouais. Parce qu'il s'intéresse tellement à des groupes qu'il va fouiller un peu partout. Parce qu'il a la patience de le faire aussi. Satchel, qui est le guitariste de Steel Panther, Satchel. Oui. Il a joué avec... Judas pas Judas. Quand il a quitté Judas, à un moment donné, Rob Halford, pour faire le Fight, oui. Le groupe ouais. Fight. Et ben, il était dans le groupe Fight avec Rob Halford. Encore une fois, c'est le slasher. Et oui, il va bientôt, il va nous dire « Cassez-vous, je vais prendre votre place. Hein. » Bon, j'en suis sûr. Bon, un jour, ça arrivera. Voilà. Allez, je te laisse annoncer ta... Alors, c'est Judas Priest. Donc, c'est March of the Damned. Voilà, c'est parti. Voilà, donc c'était Alors, Judas Priest avec March of the Damned, un super album. Franchement, bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Ouais. Donc, album de la dernière tournée, Redeemer of the Souls. Ouais. Et franchement, il est super. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'avoue, j'aime bien. Judas Priest, voilà, ça a fait plaisir à notre copain, notre ami. Cédric. Cédric de Forevermore. Allez, on embrasse très fort. Oui, voilà, un gros poutou sur le front. Je ne dirai pas où, mais sur le front. C'est mieux. Ouais, moi aussi, sur le front, parce que les médisants vont aller de bon dos. Voilà. Le prochain, c'est Monsieur Corabi. Corabi qui a chanté avec... un de tes groupes préférés aussi, Motley Crue, Descend la Vis, James Corabi, qui était un ancien aussi, de, si mes souvenirs sont bons, de Soundgarden, je ne veux pas dire trop de conneries. Hein. Et là, ils ont formé le groupe The Dead Dizzy. Hein? Franchement, c'est vraiment une tuerie. Make Some Noise, c'est le titre de l'album qui va arriver incessamment sous peu. Et on va s'écouter Join Together. Après Forever, on va écouter Together. Together. Franchement, c'est du très bon. Encore une fois, les gars, essayez de passer par chez nous dans le Nord. Ça nous ferait vraiment super plaisir et pas tout le temps la capitale. Nous aussi, on aime bien avoir du bon son, l'air de rien. Allez, c'est parti. We'll be right back. Ah là là, c'est du bon, hein, Dead Dizzy, ouais. Quand même, hein, Join Together. Et si vous allez voir sur la page Rive d'Enfer, j'ai mis le vidéoclip aussi. D'accord. Voilà, donc si tu veux, bah, tu pourras aller fantasmer voir, un petit ouais, peu. Voilà. Et puis il est pas mal, hein, comme gars. Ouais. Et puis bon. Les cheveux noirs aussi. Ouais. Et par rapport à Vince Neil, quoi, vu qu'il a remplacé au niveau chant. Ouais. Maintenant, on va attendre aussi, comme tu disais, c'est toi qui m'a tenu informé. Vince Neil va revenir sur le devant de la carrière scène. Solo. Il est déjà programmé dans des festivals pour cet été. Donc on verra ce que ça va donner. Moi, ce que je veux, c'est ce que je disais la fois dernière, qu'ils prennent Steve Steven avec lui, qui était le guitariste de Billy Idol, hein, qui a joué avec du Michael Jackson. Là, je sais pas, en solo, qui est-ce qu'il y a en groupe j'ai moins bien suivi. Ouais. J'ai plus suivi Nikki Six, je te le dis honnêtement. C'était mon favori. Dago. Tu sais, les tarés, hein. Ouais. C'est mon truc, hein. Ça me réussit pas toujours dans la vie, mais bon. Mais moi, je me rappelle sur l'album Exposed de Vince Neil, c'est l'album gris, là. Je sais pas si tu vois lequel, gris, où on le voit. Mais écoute, j'ai pas suivi non plus sa carrière solo vaguement. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'étais plus basé sur les Mötley. Et là, il y a la chanson du film, si vous avez tous vu ce film comique, avec le, dans les débuts de Brendan Fraser, c'est le monsieur qui joue dans La Momie, avec California Man. Mmh. Et là, il y a une chanson de, magnifique de Vince Neil, Exposed, ça s'appelle, franchement, regardez-la, ça vous donne envie de bouger, quoi. C'est, je repasserai une fois dans l'émission. Bah, pourquoi pas? Je repasserai une fois dans l'émission. Allez, Fractal Cipher, avec Prison Planète. Ben, si vous voulez, c'est vrai que là, notre planète, on est quand même en prison. Sur notre planète. Alors, on va essayer de l'avenir propre quand même, notre prison. Allez, Prison Planète, c'est extrait de l'album The Human Paradox, Fractal Cipher. mankind that we wish to be. Ça, tu vois, c'est du son comme je kiffe. Ouais, Fractal aussi, ouais. Ouais, musicalement tout, c'est ouais. Pas mal. Fractal Cipher avec Prison Planet, l'album s'appelle The Human Paradox. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Attic Demons avec le titre Ghost. L'album s'appelle Let's Raise Hell. C'est pas mal non plus. Encore une petite découverte, une mini découverte. Et voilà, on vous fait plein de surprises aujourd'hui, plein de découvertes comme on aime les faire ici dans Rive d'Enfer. Eh ben oui. Voilà. Close your eyes, pray to God. The evil demon disappeared for sure. si ça c'est pas pompé Maiden, je sais pas. Je sais pas. Ah, il y a la voix. Ouais, alors là c'était tout simplement Attic Demon avec Ghost. Bien, okay. T'as retenu parce qu'à mon avis c'est... Ça Ghost. M'appelle des choses. Ghost, voilà. Voilà. Allez, le prochain, juste avant de passer à la balade crapuleuse, on remercie Tonton, on va s'écouter Suck Irony, l'album s'appelle Techno Roll, et on va s'écouter Tech and Roll, donc de cet album, et puis après on arrivera à la balade crapuleuse. Mm-hmm. Oh. Quel choix tu nous as fait, on se le demande. Oh, un joli jeune homme, c'est tout ce que je peux dire. Bien. Ben là, je sais que tu kiffes. Hein. Oui, j'ai bien aimé. Suck Irony avec Tech and Roll. Techno-roll. Voilà, le pochette, elle casse pas des briques, mais voilà, on remercie Tonton Roger. Il nous fait des fois des bons petits trucs. Bon, elle casse pas des briques, mais c'est leur début aussi à ces ouais, gens. Ouais. Faut avoir les moyens hein, déjà. Ouais, mais c'est pas mal. Hein. Voilà, ouais, je vais te le filer, ça. Tu pourras l'écouter dans ton bureau roulant. Voilà. Voilà. Allez, le prochain, ben, c'est l'heure. Il est 21h dépassé de 2 minutes. C'est la balade crapuleuse. Et si je te dis, l'album s'appelait 7800 degrés Fahrenheit. Il y a beaucoup de nanas qui ont eu, on va dire ça dans le langage du métal, leur culotte mouillée en voyant ce beau mec, ce beau mâle. Allez, je vais un peu vous aiguiller. Sur une de ses épaules, il a le sigle Superman. Sur l'autre, il a une tête de genre de vache en squelette. Et ce monsieur, à un moment donné, une partie de ses tournées, il s'envolait dans les airs et il passe au-dessus de son public. Voilà. Et c'est pour moi un de ses albums avec Sly Perry Winwet qui est vraiment superbe. C'est vrai qu'il était beau, hein, ouais. Ce mec. Oui, bah, il l'est toujours, on va dire la vérité, ouais. Il l'est toujours. Oui, mais bon, dans les années 85-90, c'est vrai que c'était un top. Et tu sais qu'il est aussi, il a fait du maquina pour Versace. Oui, ça ne m'étonne pas. Allez, on va s'écouter la chanson Silent Night de Bon Jovi, c'est l'album 7800 degrés Fahrenheit. C'est l'album, c'est la balade crapuleuse de ce lundi. Silent night. Voilà, c'était l'album 7800 degrés Fahrenheit. Voilà, c'était Monsieur John Bon Jovi, extrait de, en 1985. Voilà. C'était pas le premier album, c'était le deuxième. Le premier album s'appelait tout simplement Bon Jovi. En réalité, c'est Bon Jovi. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Sabo, qu'on a vu dans... Que tu as vu ? Moi, je ne l'ai pas vu. Non, si, tu as vu avec Skid Row, le guitariste, pas celui qui faisait peur, avec sa salopette de l'autre, il a participé au premier album, à la naissance de Bon Jovi, puis il s'est barré. Voilà. Donc, mais bon, il a fait du Skid Row, mais par contre, maintenant, il est reparti. Allez, on va rester un peu dans la sensualité, dans le feeling guitare. Et ça, c'est encore une belle petite chose. Ça s'appelle Blind Side Blues Band. Ça veut tout dire dans le nom du groupe, Blind Side Blues Band. Avec le titre Calling My Name, extrait de l'album Journey to the Star. Franchement, c'est... Ça doit être pas mal. Rien qu'à entendre le titre et tout. Oui. Et la pochette, elle est pas mal non plus. Allez, c'est parti. Oh man, come on. Hey! Tu vois, c'est ce que je dis, le rock'n'roll et tout, ça vient du blues. Et là, on a encore la preuve, Blindside Blues ouais. Band, Calling My Name. Et comme je te disais hors antenne, ça me fait penser un petit peu à du Black Label Society. Ouais, c'est bien, hein, c'est très très chou. Ouais, c'est le même genre, un peu rock sudiste et compagnie, quoi. Ouais. Le rock que j'aime bien en général, c'est voilà. Vrai. C'est là j'aime bien parce que je fais plaisir à Sylval, c'est bien, je fais plaisir à tout le monde aujourd'hui. Bartoots, c'est tout de suite avec le burn-out. C'est une maladie maintenant fort courante. Le burn-out, ouais, y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui font du burn-out pour le moment. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol total. Ouais, voilà. Et bon là on est. Code fort, c'est ça maintenant. Ouais. C'est un monde comme t'as mis le titre l'autre fois de. Axel. Welcome to the jungle. Voilà. Mm-hmm, tout à fait. Et voilà, donc j'ai décidé de passer ce titre car l'album est tout nouveau. Donc Bartoots avec Burnout et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc c'est Bartoots avec Burnout, ouais. Donc voilà, petite nouveauté. Le prochain, bah, l'album n'est pas encore sorti, mais on a l'autorisation de le jouer. C'est le dernier album d'Evergrey. L'album s'appelle The Storm Within, et on va s'écouter... Une toute nouveauté alors d'Evergrey. Une toute nouveauté, c'est... Moi je vais vous passer The Storm, je ne vais pas vous passer le clip qui vient de sortir qui s'appelle The Distance, mais The Storm donc d'Evergrey, on se retrouve tout de suite après. En exclusivité totale sur Rives d'Enfer. Voilà, et je vous avais promis après... RQC 95 FM. Oh joli. Et après on va s'écouter le deuxième titre que je voulais vous passer de Kame FMDM, parce que je vous avais kiffé quand même ce groupe. D'accord, donc exclusivité et le regret. Voilà. Ben voilà, c'est Storm Within. Très belle chanson. Très belle chanson. Je crois que ça va être dans mon top de chansons, peut-être, pour le moment. C'est vrai qu'ils ont toujours... ça fait deux albums qui sortent, et chaque fois, j'ai un petit faible pour une chanson, et là, c'est The Storm, tout simplement, c'est Evergrey. Il fait toujours des chansons quand même un peu émotionnelles, hein, lui. Ouais. À mon avis, ça doit être un gros émotif. Certainement, hein, si elle est dedans. Je suppose que c'est quelqu'un qui est sentimental. Oui. On l'est tous, de toute façon, on l'est tous. Allez, le prochain, comme le petit slasher vous avait fait découvrir KMFMDM, pour certains et pour d'autres redécouvrir, hein. On fait un petit coucou à Rico s'il nous écoute, Coco Rico. non, j'ai dit coucou Rico, pardon. Et là, on va s'écouter Animals Out, encore un deuxième extrait donc du best-of qui est sorti de KMFMDM. Et tu vas voir, c'est vraiment ta cam. Bah écoute, moi, la semaine prochaine, enfin, je ne sais pas si je suis là parce que c'est un grand jour pour moi. Mais la prochaine. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine après, non ? Ah non, c'est la semaine après. Donc c'est la semaine prochaine, oui, je pourrais. Tu seras là. De faire une sacrée découverte aussi. Allemande. Allemande. Tu seras bien surpris de la personne. My kleine biquette. Ya. Ya. Allez, Cam FMDM Animal Out. Ah! Voilà, KMFMDM avec Animal Out, c'est bien. C'est pas mal, bon, ça sort totalement de ce qu'on écoute, hein. Ouais. C'est honnête. Hein. C'est Nadus, c'est Nadus allemand. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, ça fait pas du tout métal, quoi. Ouais. Comme il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est une musique un peu bâtardée, comme ils appellent. Voilà. C'est ce qu'ils disent, c'est pour ça qu'ils veulent pas dire justement qu'ils font de l'Nadus, mais qu'ils font de la musique lourde. Ouais. Voilà, du gros beat. C'est pas mal, du gros j'aime bien, hein, je te dis honnêtement, j'écouterai facilement le CD. Hein. Ouais. Ça change. Voilà. Allez, le prochain, c'est Madame Mayhem avec Sacrifice. Un titre aussi des Saxons, j'en profite parce que Saxon va bientôt être par chez nous. Octobre, novembre, je crois. Saxon. Écoute, je ne sais plus. Il y a plein de concerts. Pour une fois, on va être gonflé. Peut-être regarder, je vais peut-être te dire la date au prochain épisode, là, dans quelques instants. On va être content. Saxon aussi par chez nous. Allez, Madame Mayhem avec Sacrifice, le titre s'appelle No You Know. C'est tout de suite. C'est pas mal du tout, hein. C'est Madame Mayen avec Sacrifice, No You Know, c'est le titre de l'album, c'est pas mal, The Darker My Horizon, le titre c'est Diablo, et le titre de l'album c'est No Superhero, on va s'écouter ça de suite maintenant, là c'est parti. If you go over, you'll get caught in a Voilà, ça s'appelle Darker My Horizon, le titre c'est Diablo. Et c'est No Superhero, voilà, en parlant pas de super-héros, ça fait du bien de temps en temps, il y a un super film de super-héros qui va bientôt sortir. Allez, Solution 45 avec Nightmare in the Waking State, c'est tout de suite, c'est maintenant. Nightmare, oui, les cauchemars. Une fois, on devrait peut-être faire une émission avec tous les titres avec elle, Enfer, ce serait pas mal. Hell's Bells, Highway to Hell, Hellraiser, pourquoi pas. Encore bon, tes grands copains, Hellraiser. Ah ouais. Voilà. Allez, Solution 45. Bah tu vas rire, bah j'aime bien franchement, même s'il y avait une voix un peu grolle sur le côté, hein, Solution 45 avec Nightmare in the Waiting State, c'est pas mal, musicalement c'est bien, ça donne envie de bouger, et c'est sorti, c'est Marcus qui nous l'a envoyé, Marcus. D'accord, puis Marcus. Toi c'est bien, c'est que tu peux tout réécouter un peu de temps en temps, hein. Ouais. Enfin nous on retrouve sur le net aussi, hein, on va sur YouTube, on les retrouve. Ouais, mais Je veux te dire honnêtement, on a tellement de choses qu'on reçoit que j'écoute une fois. J'écoute une fois et puis c'est... On peut pas tout... C'est dans le disque dur et puis voilà quoi. Mais c'est bien, c'est pas mal et merci à Marcus. Bah, ça joue bien. Ouais, ça joue bien. C'est vrai que c'est... Je sais pas quel style que c'est. C'est un peu comme Sonata Arctica dans le même genre. Ouais, il y a du clavier dedans. On va dire... maintenant, il y a tellement de... Bah, de style. De style, ça, de sous-style. Avant, on était tout content. Quand on était jeune, beau et fort, il y avait le heavy, le hard rock, le trash. Le trash, c'était tout. Et le punk, speed, le speed et le punk. Et puis voilà. Et après, maintenant, il y a eu le prog, le doom. Et puis des trucs que je connais même pas. Voilà. Donc, il y a tellement de choses. Allez, le prochain, c'est Of Mice and Men avec Pain. On a déjà joué une fois. On va se le rejouer et après, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc ça déboîte fort, hein, comme ça. Ouais, ouais, c'est pas mal aussi. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, hein, ce que je te disais comme la semaine dernière. C'est sûr que je m'éclate mieux. C'est pour ça que je suis dans la nature. C'est pour ça que je suis dans la nature. C'est plus ma cam cette semaine, on va dire. Of Mice and Men, c'était Pain. Le prochain, bah, c'est Maverick. C'était le titre, hein, Pain. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être croire que c'est le groupe comme il tourne. Non, c'est pas ça. Dans un futur proche. Ouais, c'est pas. Donc là, c'est Maverick, le prochain. L'album s'appelle Big Red. Moi, celui qui n'a pas remarqué que c'est Big Red. Hein. Voilà, je montre au micro, comme ça les gens le voient bien. Pochette rouge. Ouais. Et on va s'écouter Free. Free, et on se retrouve tout de suite après. C'est encore une petite nouveauté. Et là, ça nous vient aussi d'Allemagne, et je remercie Brigitte. Brigitte Schauk, qui nous a envoyé cet album. Voilà, c'est parti. Là, ça te fait plaisir. Ah bah oui, c'est très bon. Oui. Ouais, c'est un bon groupe aussi, ouais. Ça. Maverick, Big Red, et on s'écoutait le titre Free. Donc, qui vient d'Allemagne. Je ne sais pas s'ils viennent d'Allemagne, mais le CD, lui, nous vient d'Allemagne. C'est... D'accord, ah oui. On travaille avec Germusic. Germusic, voilà. Et qui nous envoie ça. J'aurais dû regarder, mais là, elle m'a pas envoyé la bio avec... En bossant pour regarder sur Internet, on les trouve. Voilà. Donc je te file l'album, tu pourras écouter dans ton bureau roulant. Volant pas encore, on n'a pas encore acheté l'avion. Ça pourra arriver. Hein. Ouais. Le prochain, la pochette elle est super, je la kiffe cette pochette, elle est sur l'album aussi. Ça s'appelle Change of Earth, c'est un groupe d'AOR anglais. Donc c'est Cheveux au vent, la Californie, et on va s'écouter Silent Rage. Le groupe existe déjà depuis quelques années et l'album s'appelle Last Tiger. C'est franchement encore un de mes coups de cœur. Voilà, donc c'est Last Tiger, c'est le titre de l'album, c'est Silent Rage, et c'est le groupe Change of Hearts. Voilà, ben nous, Sylvain, il est bientôt l'heure de se quitter, malheureusement. Eh oui, ça passe vite. Hein. Oui, la semaine prochaine, on sera là. On sera un petit peu fatigué, peut-être, de notre dimanche. Oui. Voilà, mais on sera là, donc dimanche, n'oubliez pas, le Locker se festine la journée spéciale Metal Days, c'est dimanche. Donc Limp Bizkit, Slayer, Steel Panther, Inglourious, Suicide and DC, j'en oublie. Limp Bizkit, j'ai dit, Slayer, Parkway Drive, oh. Voilà, Parkway Drive. Elle bafouille, hein. Voilà, et une bonne ambiance, on espère qu'il y aura du bon temps. J'espère. Voilà. L'année dernière, c'était canicule. Ah, c'était canicule, on s'est bien amusé, ouais. Et le show de Rob Zombie était génial, et l'ambiance et était folle. Moi, j'ai pu réaliser mon rêve. Tu as plus... Ah oui, tes rêves, parce que t'en as encore plusieurs. Oui. J'en ai plus beaucoup. Hein. T'en as plus beaucoup, mais bon, ils deviennent de plus en plus... Après, ça devient... Litigieux, on va et dire. Et après, il y a d'autres gens qui arrivent, ouais, dans la liste. Les gens qu'on n'a pas toujours appréciés, et qu'on devient fan par la suite. Donc, ta liste s'allonge. Okay. Voilà, la liste est longue. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. On va se quitter avec The Unbounded, avec le titre The Exorcist, pour bien se quitter. L'album s'appelle Revenge God. Voilà. Ciao. Bonne semaine. Ciao, oui. felt the wind pass by as knives inside my mind. Whispers in my ears of something that was meant to be. I can't escape my past, and from that night I'm no longer free. You are possessed, you are a puppet of death. Can you feel your